Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les tout débuts de notre télévision. Voilà un événement qui fait époque dans l'histoire de notre pays. Le début d'un service canadien en télévision. Du fait que la télévision apportera chaque jour de vives images dans tant de foyers, elle deviendra une très grande force sociale. Cette force peut être préjudiciable à la nation ou lui être très profitable. Au Canada, nous avons décidé qu'il fallait exploiter la télévision dans le dessein d'enrichir notre vie nationale. Le premier ministre canadien, Louis Saint-Laurent, le 6 septembre 1952, jour de l'inauguration de la télévision de Radio-Canada. En 1952, rares sont ceux qui possèdent un téléviseur au pays, et ceux qui en ont un doivent se contenter de capter les chaînes américaines. La création de la télé de Radio-Canada marquera donc le véritable début de la télévision de chez nous. BBC Télévision présente ses hommages à la télévision canadienne par l'entremise du directeur de la télévision britannique, M. George Barnes. Je suis tout averti du fait qu'au Canada, presque toutes les merveilles sont possibles. Mais j'ose ajouter que la télévision devient aisément un jouet terrible. Il faut beaucoup exiger du savoir-faire et de l'intelligence discrète et perspicace de ceux qui s'aventurent dans l'inconnu de la télévision. Bonjour, mesdames, messieurs. J'offre mes félicitations à Radio-Canada et particulièrement à nos nombreux camarades des services techniques avec lesquels nous, techniciens de la BBC, avons eu des contacts des plus amicaux depuis nombre d'années. De tout cœur, nous vous souhaitons bonne chance. Ce message du directeur de la télévision de la BBC, George Barnes, et de Sylvia Peters, qui va être l'une des premières vedettes de la télévision britannique, ce message-là est diffusé le 6 septembre 1952, lors de l'entrée en onde officielle de la télé de Radio-Canada. Pour nous parler du contexte dans lequel naît notre télé, je reçois mon collègue Stéphane Gourde, qui est médiathécaire à Radio-Canada et qui est un vrai mordu de radio, de télévision, d'archives. Stéphane Gourde, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. On l'oublie, Stéphane, c'est fascinant parce que ce qu'on vient entendre deux extraits, le premier ministre Saint-Laurent et le directeur plutôt de la télévision de la BBC, George Barnes. Et dans ces deux extraits, on sent bien que cette bibitte-là, la télévision en 52, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de mystérieux, c'est peut-être même un peu dangereux. Oui, parce qu'en fait, c'est l'inconnu complet pour tout le monde, autant pour les téléspectateurs qui vont recevoir les signaux de télévision que pour les artisans de notre télévision à ce moment-là. En fait, comme vous disiez, peu de gens ont des appareils de télévision à ce moment-là. Quelques milliers, là. Quelques centaines. En 52, par exemple, au début de la télévision, il y a à peu près 6162 téléviseurs à Montréal seulement. C'est très peu par rapport à aujourd'hui. Donc, on connaît pas beaucoup ce média-là. Et aussi, les gens qui vont la faire, la télévision, qui entrent dans l'aventure, tous les artisans techniques, les comédiens, artistes et autres, ne connaissent pas du tout. Oui. Et là, tout le monde commence en même temps. Bon. Ça commence donc officiellement le 6 septembre 52. L'un des segments qui va être présenté le jour de l'inauguration, pour vous dire à quel point c'est nouveau, cette affaire-là, ça s'appelle carrément les coulisses de la télévision. Écoutez, c'est une sorte vraiment là d'ABC de c'est quoi la télé. L'ère de la télévision est enfin arrivée à Montréal. Et c'est sur le Mont-Royal, site très avantageux, que Radio-Canada installait, il y a quelques mois, son antenne de transmission. Grâce à ce distributeur d'ondes, la population de Montréal et des environs pourra jouir désormais des émissions les plus variées, des divertissements les plus nouveaux. Et c'est dans l'édifice de Radio-Canada, au coin des rues Dorchester et Bishop, que se situe le cerveau de l'entreprise. L'entreprise est des plus complexes. Chaque émission de télévision est une entreprise. D'abord, un scripteur s'amène avec un scénario. Et c'est ici que le mécanisme se déclenche. Il présente son texte à un réalisateur. Le réalisateur étudie d'abord si, selon lui et selon le goût du public, le projet peut être intéressant. Si oui, il le remet au directeur des programmes pour l'approbation définitive. Quand la chose est approuvée, s'effectue la mise en branle de la dite émission. D'abord, toutes les formules nécessaires sont remplies par le réalisateur et dactylographiées par les secrétaires. Ensuite, c'est la révision et la compilation de toutes ces formules et l'approbation finale du budget soumis par le directeur de la télévision. Alors, ce segment qu'on vient d'entendre, les coulisses de la télévision, c'est un extrait, évidemment, qu'on vient d'entendre, Stéphane Gourde. C'est l'un des éléments qui constituera cette grille du premier jour officiel de la diffusion de Radio-Canada, de la télédiffusion de Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on va présenter aux téléspectateurs ce jour-là? Ce soir-là, donc, les gens vont pouvoir voir un variété à 8 heures le soir qui s'appelle Club d'un soir avec, entre autres, l'artiste français qui est arrivé au Québec à la fin des années 40, Jean Raffa, qui sera là. Il y aura aussi le reportage de la cérémonie officielle en direct du hall d'entrée de Radio-Canada, avec évidemment le maire de l'époque, Émilien Houde, qui sera présent, interviewé par Henri Bergeron. Et il y aura aussi le ministre fédéral du Revenu, le cardinal Léger. Oui. Et parmi les absents, il y aura Maurice Duplessis, qui ne sera pas là. D'ailleurs, Maurice Duplessis, qui va souvent refuser les passages à la télévision. Qui boude un peu. Qui boude la télévision, qui a peur de la télévision, oui. Et qui n'aime pas beaucoup Radio-Canada aussi à ce moment-là. Bon, ça c'est la programmation pour le jour de l'inauguration. Sinon, à quoi ressemble... Dans les premiers mois, ça ressemble à quoi la télé de Radio-Canada? Alors, en fait, il faut dire que c'est peu d'heures de diffusion quotidiennement. Les émissions commencent souvent à 17h30, petite demi-heure pour les enfants, avec souvent un intermède musical, la mire de réglage, pour reprendre un peu plus tard en soirée. On a à peu près 3 heures de diffusion chaque soir. Il faut dire que les 2 premières années de la télévision à Montréal, à CBFT, c'est une station bilingue, pas encore la télévision anglaise. Donc, on présente souvent en alternance des blocs d'émissions en français, en anglais, et tout le monde était satisfait de ça à ce moment-là. Ouais. Bon, la télé ici, cette télé de Radio Canada est créé en 52, mais elle existe ailleurs dans le monde depuis déjà, je pense aux Britanniques, depuis déjà un bon bout de temps. Depuis, en fait, les Britanniques ont la télévision avec la BBC depuis 1936. Il y a les Américains aussi qui vont voir apparaître à la fin des années 30 aussi de la télévision. La France, déjà aussi, qui a la télévision à la fin des années 30. La Deuxième Guerre mondiale va interrompre un peu tous ces efforts-là. Ça va reprendre rapidement par la suite, chez les Américains, entre autres, avec une expansion considérable dès 1946. Et avant 52, avant la télé de Radio-Canada, la première télé canadienne, qu'est-ce que les quelques Canadiens, les quelques centaines, quelques milliers de Canadiens qui ont un appareil, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir comme programmation? En fait, ils peuvent recevoir, tous ceux qui habitent près de la frontière américaine, peuvent recevoir les chaînes américaines, par exemple, les gens de Toronto, où il y a beaucoup de télévision à ce moment-là, parce que 95% des téléviseurs au Canada appartiennent à des gens du sud de l'Ontario à ce moment-là. Eux reçoivent la télévision de Buffalo. Et vous savez qu'à Montréal, dès 1951, il y a une compagnie britannique qui est implantée qui est prête à installer un système de câbles à Montréal sur un rayon de 8 kilomètres à peu près. Eh bien, la télé pour tout le monde, la télé de Radio-Canada, ça va arriver donc en 52. Vous disiez, la guerre va un petit peu interrompre le développement de la télé parce que les Britanniques l'ont depuis les années 30. Mais même à Montréal, moi, je ne savais pas ça. Dès 1931, Stéphane Gourde, il y a des expériences télévisuelles qui sont menées à Montréal. Écoutez cet extrait de l'émission Présent du 6 avril 1966, au cours de laquelle Leonard Spencer raconte les tout débuts de ses expérimentations autour de la télévision à Montréal au micro de Gaby Drouin. Alors, 1931, début de la télévision canadienne à Montréal. Comme instigateur, la presse. C'est ça. Et vous étiez, en quelque sorte, le chef de l'opération. Ces premières expériences ont été réalisées dans un studio. Où était ce studio? Le studio était sur le toit de la presse, où autrefois était notre poste de radio. À cette époque-là, le studio était en noisseur. Il n'y avait aucune lumière dans le studio même. C'était la lumière... des lentilles de le disque qui roulait, et puis c'est seulement que ça qui fournissait la lumière pour la transmission des photos. On avait 35 à peu près des auditeurs. 35 récepteurs de télévision à l'époque. Et ces récepteurs, ils étaient dans la ville de Montréal. Il y avait je ne sais pas combien dans la ville de Montréal. Je me rappelle très bien que la plus lointaine, c'était à Trois-Rivières, où ils ont capté nos programmes expérimentaux à cette époque-là. Et puis, il faut comprendre que tous ces appareils-là, c'était fait par des amateurs avec des morceaux qu'ils achètent dans les magasins de radio. Programmes expérimentaux, donc, menés par la presse, CKAC, dès les années 30, Stéphane Gourde. Ils vont faire, d'ailleurs, ces deux organes de presse vont faire des demandes pour être la première télévision canadienne. Mais c'est à Radio-Canada qu'on va confier le mandat de créer cette première télévision canadienne. Pourquoi? Je pense que, en fait, Radio-Canada a déjà une expérience en matière de radiodiffusion depuis 1936. Ils s'occupent déjà de la radio au pays. Et aussi, je pense que le gouvernement fédéral, selon mon interprétation personnelle, voulait garder un certain contrôle, entre guillemets, même s'il y a l'indépendance, on sait bien, entre Radio-Canada et le gouvernement fédéral. Mais que ce soit public. On le sent bien. Oui. Je reviens à l'extrait de M. Saint-Laurent. Il y a quelque chose, là, on se rend compte, peut-être pas du danger, mais de la puissance qu'aura cette affaire-là, la télévision. Il faut dire qu'il faut aussi se préserver contre la télévision, l'évasion de la télévision américaine. Hein, parce que pour le côté anglophone, ils peuvent se connecter directement sur les chaînes américaines et recevoir des émissions. Alors, donc, il y a quelque chose de politique, là, un projet politique. Complètement, oui, aussi. Le nationalisme canadien dès le départ. Les étapes, quelles vont être les étapes qui vont précéder, qui vont conduire à l'entrée en onde de Radio-Canada en septembre 52? En fait, dès 49, le gouvernement, le Parlement du Canada va voter près de 4 500 000 à Radio-Canada pour, justement, installer un service de télévision à Montréal et aussi à Toronto. Donc, dès 50, il y a déjà des gens qui sont à la tête de la télévision au pays, qui visitent certaines télévisions à l'étranger. Et aussi, à ce moment-là, il y a Radio-Canada à Montréal qui déménage dans l'ancien hôtel Ford. Mm-hmm. Parce qu'il faut plus d'espace. Et, oui, il faut regrouper tous les services ensemble. Ouais. Dès 51, on fait des premières démonstrations au public de ce qu'est la télévision lors d'un salon. Alors, on amène deux caméras et les gens peuvent se voir dans les moniteurs lors de ce salon. Et entre-temps, dès 52, on commence la production d'émissions expérimentales qui ne sont pas diffusées, sont en circuit fermé mm-hmm. seulement. Donc, on teste différentes formules d'émissions à ce moment-là. Et ça va durer quoi, quelques semaines? À peu près 6 mois. 6 mois quand même. Oui, et là, il faut attendre au 2 juin 52 pour voir la première image diffusée grâce à l'émetteur de CBFT qui est prêt à ce moment-là. Et ce que les gens peuvent voir, c'est pas une émission, c'est la fameuse mire de réglage avec la tête de l'Indien. Première émission en bonne et due forme, le 25 juillet 52, un match de baseball. Exactement, présenté en direct du stade Delormier avec l'équipe de la Ligue internationale de baseball, les Royaux de Montréal contre les Cubs de Springfield. C'est une émission bilingue animée par Yves Letourneau et par le journaliste Larry O'Brien. Et puis au mois d'août, là, on approche de cette fameuse date de l'inauguration du 6 septembre 52. Là, il y a vraiment une programmation en bonne et due forme, encore là, pour quelques personnes là, qui ont un appareil télé. À peu près 6 à 7 000 personnes qui ont un téléviseur dans la région de Montréal. Exactement. Et la première émission, c'est le 3 août 52 à 17h30. C'est un dimanche. C'est une émission pour enfants qui va avoir un très grand succès dans les années 50. Elle porte le titre du sorcier frileux, la première fois, l'émission numéro 1, mm-hmm. mais qui va devenir par la suite Pépinot et Capucine. Et qui va être un des grands, grands succès de une émission de mythique, télévision. Oui. Ouais. Le 6 septembre 52, donc on y revient, c'est le jour de l'inauguration, l'entrée en onde officielle de la télé de Radio-Canada. Et dès le 11 octobre, dès le 11 octobre 52, la fameuse et célèbre soirée du hockey prend l'antenne. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On assiste ce soir au Forum de Montréal à l'une de ces luttes typiques entre Détroit et Canadiens. Le jeu est excitant au possible, comme vous allez d'ailleurs vous en rendre compte dans un moment. La mise en échec est serrée, très rude même. C'est du hockey des joutes de fin de saison. La foule a été tenue sur le qui-vive depuis le tout début. Les esprits sont échauffés, les bâtons élevés. Jamais, il me semble, nos commanditaires n'auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision. Le compte, après deux périodes complètes de jeu. Canadiens 1, Détroit 1. Canadiens, dis-je, font leur apparition sur la patinoire du Forum. Détroit, lui, n'a pas encore donné signe de vie pour la troisième période. Disons incidemment que Canadiens, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister aux parties du club local, portent le chandail blanc. Chez lui et à l'étranger, le costume tricolore que tout le monde connaît. Du côté du club adversaire, c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire que Détroit, ce soir, visitant le tricolore, porte l'uniforme tout rouge, le rouge écarlate, et à l'étranger, c'est le costume tout blanc. Alors, mine de rien, il y a beaucoup d'informations dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Stéphane Gourde. René Lecavalier, le 11 octobre 52, premier match du Canadien diffusé à la soirée du hockey. Premier élément d'information, il souhaite la bienvenue aux téléspectateurs juste avant le début de la troisième période. Pendant quelques années, on ne diffusera que la troisième période. En fait, il faut attendre en 1968 pour voir la partie au complet à la télévision. Les gens de la Ligue nationale ont peur que les gens désertent les différents endroits où se déroulent les matchs de hockey. Ils ont peur de la puissance de la télévision. Ouais. Mais au contraire, la télévision va populariser encore plus le sport qu'il l'était déjà. Et en fait, la télé aussi, la diffusion de la soirée du hockey va faire la promotion de la vente des appareils télévisuels. En effet, dès décembre 52, on constate à Montréal qu'on est passé de 6 000 au début, en juillet 52, on tombe à 34 000 téléviseurs et ça va continuer par la suite. C'est vraiment une émission qui va vraiment mousser la vente des téléviseurs à ce moment-là. Ce qui est frappant aussi, c'est et René Lecavalier qui décrit, qui explique aux gens la couleur des chandails. Ça montre à quel point tout est à inventer, là. Oui, il faut dire qu'on est en noir et blanc, première chose. Et les gens sont habitués du hockey à la radio, tel que décrivait Michel Normandin sur les ondes dans les années 40 jusqu'au début des années 50. Oui. Alors, c'est une émission, la soirée du hockey, qui, dès le début, va être très, très, très populaire. L'émission la plus regardée de notre télé. À part la soirée du hockey, Stéphane Gould, quelles sont les grandes émissions, là, les grands succès du début de notre télévision? Alors, donc, on a parlé de Pépino Capucine, une émission pour enfants qui a marché très, très fort. Il y a aussi une émission qui a duré près de 9 ans sur nos ondes. Dès 52, c'est Pays et Merveilles qu'animait André Laurendeau, qui était une forme d'encyclopédie télévisuelle. Alors, chaque semaine, il recevait un invité qui nous parlait d'un pays ou d'un sujet très particulier. Alors, il a reçu tous les grands de l'époque sont passés à cette émission-là. Autre émission dans le genre variété, le Café des artistes, une émission qui était dès les débuts de la télévision et qui se déroulait dans la formule cabaret. Et c'était très drôle parce que les gens pensaient que ça se passait dans un endroit. Les gens écrivaient et voulaient savoir où était situé le Café des artistes. Autre émission aussi qui a marché très fort, c'est évidemment, dès la première année de la télévision, la deuxième année, en fait, c'est La famille Plouffe, le premier téléroman de notre télévision, qui a été là en ondes pendant 6 ans, un texte de Roger Lemelin. Ouais. Alors ça a été incroyable. Il y aura beaucoup une programmation assez diversifiée. Il y aura beaucoup de théâtre, beaucoup de musique aussi au début, dans les premières années de la télévision. Pour nous parler un petit peu du climat, de l'effervescence qu'il y avait, vous en parliez vous-même, Stéphane Gourde, au début de l'émission, pour les artisans de la télé, c'était nouveau. Ça créait vraiment un climat très, très particulier. On écoute nous parler de ça, le réalisateur Jean-Paul Fugère et les comédiens Béatrice Picard et Guy Provost. Émission La grande aventure de la télévision, diffusée en 2002. La télévision des années 50 était une télévision de jeunes gens. Le monde était jeune. La majorité des gens n'avaient pas 30 ans. Puis on nous avait dit... Bon, c'est pas comme le cinéma, c'est surtout pas comme le théâtre. Il faut pas en mettre trop, là. Il faut pas élever trop la voix, il faut être naturel, mais un petit peu plus que le cinéma, parce que le cinéma, on va vous chercher un gros plan, donc on peut pas faire ça. C'était quoi notre juste milieu? On le savait pas. Donc on marchait sur des œufs. Quand on embarquait sur l'air, comme on dit, et qu'on entendait le fameux thème, et qu'on entendait la voix de Bergeron... On pissait dans notre culotte, quasiment, littéralement. C'était fantastique, c'était un frisson terrible, parce qu'on se disait, où est-ce que on s'en va? C'est vraiment, Stéphane Gourde, on sent toute l'excitation, l'inconnu, tant et si bien que il y a des gens, il y a un risque pour ces comédiens-là, il y a des gens qui ont travaillé depuis quelques années à la radio, qui voudront pas aller à la télé. Tout à fait, parce qu'on est évidemment à l'époque, en 52, à la grande époque de la radio, entre autres des radioromans, et plusieurs comédiens déjà assez âgés ne voudront pas faire le passage vers la télévision parce qu'ils ont carrément peur, parce qu'à la radio, ils ont leur texte devant eux, même s'ils répètent leur texte, ils l'ont devant eux, pas à la télévision, donc certes, la plupart ne voudront pas y aller. Donc, de jeunes comédiens vont se retrouver à faire beaucoup de rôles et à se vieillir, comme par exemple Gilles Pelletier, qu'on va retrouver un peu plus tard dans les années 50, dans Le Survenant. Lui, il est dans la vingtaine, il va jouer le rôle d'un homme beaucoup plus âgé, et entre autres Jean Duceppe, beaucoup de ces comédiens-là qui étaient dans la vingtaine à ce moment-là, et sont prêts à vivre l'aventure de la télévision. Bon, vous en nommez deux, comment dire, géants de notre télévision. Qui sont les autres, les vedettes des premières années de la télé? Ah, Jean Coutu, entre autres, bon, je vous disais le Survenant. Il y a aussi Jacques Normand. Oui. Jacques Normand qui était le roi du cabaret, au Faisan Doré, de la radio à CKVL à ce moment-là, qui dès 52 va se retrouver à la télévision. télévision, avec qui va parfois provoquer des sueurs froides à ses équipes parce que il y avait la répartie facile, ouais. Et parfois ça dérapait un petit peu à certaines occasions. Et il y en a beaucoup comme ça parce que Normand effectivement fait de la radio, il fera de la télé à Radio-Canada, il fait de la radio privée. Il y en a beaucoup de ces passages, des gens qui seront vedettes à la fois de la radio et de la télé. Il y en a un peu, il y aura Gilles Pellerin entre autres aussi qui était à la radio avec Normand qui va faire ce passage-là. Ouais. Mais la télévision va amener aussi beaucoup de nouvelles figures, elle va vraiment créer ses propres vedettes aussi à ce moment-là. Voilà. Un petit mot sur l'information. Le téléjournal va faire son apparition en mars 54. C'est oui. Donc presque deux ans après les débuts de notre télé. À quoi ça ressemble, les débuts de l'information à la télé? Alors, au début, alors faut se contenter de deux bulletins de nouvelles par semaine, de 15 minutes. Aïe! Alors, lu par Henri Bergeron. En fait, on ne voit pas Henri Bergeron. Il est plutôt en voix hors champ avec des films qui sont présentés, avec la petite musique derrière pour créer un effet dramatique. Donc, c'est vraiment limité. On est loin de l'information continue auquel on ouais. est habitué aujourd'hui, avec RDI et puis LCN, par exemple. Alors, et il y aura aussi une émission qui va apparaître, qui va s'appeler Conférence de presse, où l'animateur reçoit toutes les semaines une figure de l'actualité et devant un panel de journalistes qui vont l'interviewer à ce moment-là. Ouais. Ça sera un bon concept à ramener, ça. Dernier élément, la notion de réseau. Évidemment, ça fait probablement partie, d'ailleurs, de la décision, on y revient, de donner à Radio-Canada le mandat de développer la télé au Canada plutôt qu'à une firme privée. Ça apparaît quand, cette notion de réseau? Il faut dire que Montréal est la seule ville à avoir la télévision jusqu'en 1954. Alors, donc, entre 54 et 58, les autres villes du Québec vont graduellement avoir des postes de télévision développés par l'entreprise privée, mais affiliée à Radio-Canada. Ouais. Donc, elles devront absolument diffuser les grandes émissions de Radio-Canada. Donc, Québec, au départ, en 54, il y aura aussi Rimouski, par la suite. Il y aura également Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Jonquière. Donc, les grandes villes du Québec vont graduellement. Il faut dire qu'au départ, les villes ne sont pas reliées directement à Montréal. Mm-hmm. Donc, par onde hertzienne, ça va se faire aussi. Donc, dès la fin de 58, là, tout le réseau au Québec va être constitué. Ottawa aussi, la capitale fédérale, c'est très rapidement. Dès 53, oui. À sa station. Stéphane Gourde, médiathécaire à Radio-Canada, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Merci, Stéphane. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de l'émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui, Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.